La chronique du directeur général du club de golf de Saint-Prime, Junior Juno, est une présentation du garage Paul Dumas Buick GMC de Saint-Félicien, qui vous invite à faire un trou d'un coup avec sa vaste gamme de camions neufs et usagés, ainsi que des voitures d'occasion pour tous les budgets. Le garage Paul Dumas Buick GMC de Saint-Félicien au 762 Boulevard Sacré-Cœur au 418-679-1605. Tout le personnel et la direction du garage Paul Dumas désirent souhaiter une bonne saison à tous les golfeurs et golfeuses. C'est la chronique du club de golf Domaine sur le lac Saint-Jean avec notre ami Junior Juno. Salut Junior. Salut Danny. C'était les championnats du club parallèlement avec Dolbeau Mistassini en fin de semaine. Et comment ça s'est passé finalement? Je veux dire, c'est une première édition, dans le fond, là, ce qui est arrivé là. Là, normalement, les championnats de club sont disputés dans leurs clubs respectifs. Depuis, je te dirais quand même un certain nombre d'années, là, moi, historiquement, j'étais à Dolbeau, puis la participation était toujours en diminution. Il y avait de moins en moins de joueurs qui participaient, bon, pour différentes raisons, mais entre autres, surtout par le vieillissement là, de nos membres, là, qui, avec les années, même la compétition, ça les intéresse moins. Fait que on s'est dit à jaser avec les gens de Dolbeau, on s'était dit avec nous autres chez nous, avec la capitainerie, ben gars, y aurait-tu moyen de trouver une formule qui pourrait nous aider à être plus de joueurs? Plus de joueurs, c'est toujours plus fun, toujours plus animant, c'est toujours plus motivant à participer à ce genre d'activité-là. Fait que c'était une première, avec du succès, avec des choses à ajuster, on verra est-ce qu'il y aura une deuxième édition, ça sera à voir aussi. Chacun des clubs s'est dit que bon, chacun de leur bord, on fera un petit post-mortem, puis chacun de leur côté également regarderait pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer les choses, voir s'il y a aussi un désir des membres de vouloir continuer dans cette formule-là. Mais on est bien content de l'avoir fait, puis vraiment là. Pour une première édition, en tout cas moi, à mon avis, ça fut un succès. Okay. Le reste, ben c'est comme dans n'importe quoi, là. Quand tu commences des choses, ben c'est normal qu'il y ait des ajustements qui se fassent pour bonifier et améliorer la formule. Et ça se fait, ça va avec l'aspect de synergie qu'on veut créer entre les clubs de golf. C'est un peu ça, là. Bon, oui, là, tu sais, de dire, ben regarde, de quelle façon qu'on peut. Faut travailler ensemble, faut vendre le golf ensemble, on peut se voir comme des compétiteurs, là. On est dans des milieux différents, puis en tout cas, nous autres, on est de notre côté, on est quand même très satisfaits de la façon que ça s'est déroulé, la participation. Tu sais, au final, on avait quand même 68 golfeurs qui ont participé. Quand on sait qu'autant Dolbeau qu'à Saint-Prime, l'année passée, il y avait, je sais même pas s'il y avait 30 participants par club. Tu sais, ça fait quand tu fais un tournoi, un championnat de club avec 25-30 joueurs, c'est pas très, très ennuyant. Tandis que là, ben avec près de 70 golfeurs, ben, veut pas, c'est plus fun. Puis là, il y a une meilleure ambiance, etc. Fait que, c'est une première édition. Puis la suite des choses, on le verra l'année prochaine. Là. La suite des choses, qu'est-ce qui se passe au cours des prochains jours au club de golf de Domaine de Lac-Saint-Jean? Ben, ce qui s'en vient là au cours des prochains jours, dans deux semaines, un événement important aussi, la Classique Lac-Saint-Jean. C'est un tournoi, pas la même formule, mais c'est l'équivalent du Dolbeau Saint-Prime. C'est une journée samedi, ça va être disputé sur les allées du club Lac-Saint-Jean à Saint-Gédéon. Et le lendemain, ça va se jouer sur nos allées ici à Saint-Prime. Fait que on attend là, aux alentours de 130 golfeurs pour cette journée-là, ce tournoi-là qui est en équipe de deux au lieu d'être comme le Dolbeau Saint-Prime, c'est en équipe de quatre, mais là c'est en équipe de deux. Fait que c'est la quatrième ou cinquième édition, c'est une formule qui est très populaire là, puis que à chaque année, là, pendant la fin de semaine du travail, le 31 août et 1er septembre. OK, on va parler maintenant. C'est le gros tournoi, dans le fond, là, qui s'en vient. Puis après ça, ben, comme on dit, on prend le mois de septembre. Fait que déjà là, on commence tranquillement, pas vite. Là, bien qu'en septembre, il y a souvent du très bon golf. La température est belle. C'est des belles journées pour jouer au golf. Mais déjà, là, le trois quarts de la saison, comme on pourrait dire, va avoir été passé. OK. Puis comment ça a été, l'achalandage? Peut-être qu'on n'a pas eu de chronique. Comment ça a été? Ben, jusqu'à date, je te dirais là, la fin de sa, toute la partie de la construction, vacances de construction a été excellente, excellente. On a eu un achalandage au-delà des espérances. Par la suite, là, bon, au mois d'août, une semaine un peu plus difficile, là, malgré qu'on a eu un achalandage intéressant, mais pas comparé à ce qu'on venait de vivre dans la construction. Bon, mais là, c'était relié un peu avec la température, il s'est mis à faire froid, puis bon. Et là, je dirais, depuis le milieu de la semaine dernière ou un peu avant, là, on a ressenti un engouement reprendre encore une grosse fin de semaine. Ce qui fait que l'année, là, jusqu'à date, on est excessivement heureux de nos résultats, de l'achalandage, le terrain est en condition exceptionnelle, là, vraiment, là. On est très, très heureux. Fait que jusqu'à date, là, c'est une très belle saison. En espérant qu'on ait un automne qui va être quand même clément, fait que ça nous permettrait là, de terminer l'année sur une bonne note, puis assurément là, avoir des résultats qui vont être très positifs. OK. Donc, y a-t-il eu un tournoi de coup cette année? Oui, c'est vrai. Non, un troisième. On en a eu un il y a une couple de semaines, mais en fin de semaine, on a eu un autre, là, M. Roméo Guérin. Okay. Un membre de longue date ici au club de golf qui a réussi un trou d'un coup sur le trou numéro 12. Fait que M. Guérin était très heureux en compagnie de ses partenaires. Fait que un troisième trou d'un coup cette année. Et les trois ont lieu sur le trou numéro 12. Fait qu'on voit que la chance est sur ce trou-là cette année. Bon, ben Junior, ça fait le tour pour cette semaine. On va s'en reparler peut-être la semaine prochaine. Parfait, mon cher. Bonne fin de journée. Junior Junot qui nous parlait du club Domaine Lac-Saint-Jean.